J'ai tellement marché droit que j'en ai mal au mollet. Je suis tout le contraire de mes potes. Je donne l'exemple à tous les autres écoliers. Je suis bien apprécié par mes profs. Et je vois mes collègues mener la vie taulier. J'ai toujours pas un dans les poches. Demain matin je n'irai pas à l'école. Demain matin je n'irai pas à l'école. Demain matin je n'irai pas à l'école. De toute façon ils me mettent à l'égard. J'écris mes textes, je suis en heure de colle. Tu veux que je te raconte mes années de fac, que mes années d'ampleur, que mes années de galère. Que je crains toute la nuit pour même pas toucher la moitié ton putain de salaire. La vie de ma mère, rien de plaisant. Dans ma tête la voix de mes démons qui résonne. J'entends plus la petite voix de celle qui résiste. M'enfoncer dans les ténèbres ou bien la résine. Et malgré mes torts je sais que j'ai mes raisons. Et quand j'essaie de la garder, pardon, j'entends pas, je suis raptor. La mate elle est solo, je vais laisser le marmot. Je me concentre chez le barman, on va sortir les métaux. Je m'en bats les couilles qui viennent du ghetto. Je les fume après je fais le vide. J'espère que Dieu va me guider. Pour la vie de ma mère, je vais pas en tirer. Récupérer tous les terrains comme les tiros. Des pompiers pour me réanimer. J'aurais déjà fumé ta donna image. Pour la vie de ma mère, je vais t'emmener dans les cieux. Et plus voir la tristesse dans tes yeux. Le médicament dans la vitelle. J'ai maltraité tous mes points vitaux. Lassé, personne connaît la suite. Lassé, je les bicrave dans la cité. Mais lassé, je les remets dans le métro. En pensant au bâtard qui m'a cité. Sur la vie de ma mère, j'ai rien compris. Je me retrouve devant le fait accompli. Je suis resté proche de mes ennemis. Et mes amis sont complices. Sur la vie de ma mère, j'ai tout compris. Maquiller l'impact des balles sous la complète. Tu verras pas YL sur ta compile. Tu verras avec une calage sur la compète. On a le plan, les outils. S'ils veulent nous faire la guerre, je compte pas des PD dans ma routine. Et t'étais dans la merde. On s'embrouillait pour des broutilles. De la même veine que Poutine. Les amis s'aiment, les frères se mutilent. Ouais, on a grandi dans la tête. Pour la vie de ma mère, pour toi je sors les maisons. Je m'en bats les couilles qui viennent du ghetto. Je les fume après je fais le vide. J'espère que tu vas me guider. Lassé, personne connaît la suite. La calache est dans la cité. Des kilos dans le gamin, on s'en fait course pour suite. Ramène la frappe, on va la liquider, détaillée. La vie de ma mère, faut que je quitte la tête, que je vide la tête. J'en ai mal au foie, j'en ai mal au foie. J'fais du mal au frère. Sur la vie de ma mère, faut que je quitte la tête, que je vide la tête. J'en ai mal au foie. Sur la vie de ma mère, faut que je quitte la tête, que je vide la tête. J'en ai mal au foie, j'en ai mal au foie. J'en ai mal au foie, j'en ai mal au foie. J'm'arrête, j'en ai mal au cœur parce que j'ai moins d'amour pour ma go, pour ma barrette. J'en ai mal au ventre. J't'ai fait du mal mon frère, bah ouais, j'en ai mal au ventre. J't'ai fait du mal mon frère, bah ouais.